something else. Nostalgie 60. La décennie de vos plus beaux moments. Nostalgie. Je marche seul le long des rues où nous allions tous deux avant. À chaque pas, je me souviens comme on s'aimait auparavant. Comment pouvoir t'oublier? Il y a toujours un quoi qui me rappelle. Toujours un quoi qui me rappelle. Je suis né pour t'aimer et je serai toujours ainsi. Tu restes la vie de ma vie. Quand l'ombre vient, mon pas m'entraîne, l'on allait danser le soir. Je me revois là, t'embrassant et serrant fort tous mes espoirs. Comment pouvoir t'oublier? Tu restes la vie de ma vie. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Je n'aimerai personne d'autre. Je ne t'oublierai pas pour une autre. Tu restes la vie de ma vie. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer. But I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear your knowing the love we'll miss. Oh, let us make a plan.

danser, et puis la bière les fait chanter. Et quand la fête tourne les têtes, on envoie de se marier. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Giorno che sei salita sulla moto mia, noi due soli senza compagnia, e la volta che hai guidato tu entro al fosso a testa in giù. Nostalgie 60. Nostalgie 60. Je n'ai pas eu de ballon rouge quand j'étais gosse dans mon quartier. Dans ces provinces où rien ne bouge, tous mes ballons était crevé. Je je n'ai pas eu de vraies vacances. Seul, face à face avec la mer, quand le cœur rime la cadence des mouettes qui nagent dans l'air. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. Je n'ai jamais joué aux billes quand j'étais gosse dans mon quartier. J'étais cloué dans ma famille comme un martyr à son bûcher. Je n'ai pas eu de promenade seule, face à face avec le vent. Je lisais le Marquis de Sade et j'aimais déjà les divans. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. L'effet n'était pas du voyage quand j'étais gosse dans mon quartier. Elles vivaient de leurs avantages, elles étaient toutes syndiquées. Je n'ai pas vu dans les étoiles le carrosse de Cendrillon. La mienne avait une robe sale, mais elle n'avait pas de chaussons. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien. Quand j'étais gosse dans mon quartier, de ne pas attacher d'importance à ce que les autres pensaient. Et je n'ai pas vu dans l'histoire quelques guerriers ou quelques rois assoiffés de règne et de gloire qui soient plus orgueilleux que moi. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, mais j'ai fait ce que j'ai voulu. Nostalgie. Il est 4h. My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. My love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady Jane. Thank you. your ease. The sands have run out for your lady and me. Wet love is nigh, my love. Her station's right, my love. Life is secure with Lady Jane. Shake. Come on over. Oh, a lot of shaking going on. Oh, shake it, baby. Yeah. You can shake it one time for me. Here the hell has to come over, baby. Oh, I'll shake it going. Now let's get real low one time. I'll shake it, baby, shake it. All you gotta do, honey, is kinda stand in one spot. Wiggle around just a little bit. And that's when you got it. Yeah. Now let's go one time. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Ooh, shake it, baby. Come on, baby. De 60s, 24h sur 24. Nostalgie 60. Nostalgie. Quand on aura beaucoup dansé, beaucoup trop dansé. On aura beaucoup fumé, beaucoup trop fumé. On s'en ira de ce zinzin, et je te prendrai par la main jusqu'à la mer où tout finit au bain de minuit. Quand on aura beaucoup marché, trop marché. Quand on aura beaucoup flirté, un peu trop flirté. Comme le bon Dieu sera couché, j'ai peur qu'on entende siffler tous les serpents du paradis au bain de minuit. On aura tourné, viré, tourné, viré. Quand on aura pomme croquée, bien pomme croquée. Quand on aura déshabillé ces inconnus que l'on était, on sera vrai comme la vie au bain de minuit. Seront rentrés, les voiles pliées. Alors, tu me diras ton nom, et moi, je te dirai mon nom. Et à bientôt, et à Paris, on reprendra dit nos bains de minuit. est-ce un reflet de ta moustache? Ou bien tes cris de mort aux vaches? Qui l'est séduit de tes grosses mains maladroites quand tu leur mets dessus la pâte? C'est du tout cuit. Les filles de joie, les filles de peine, les margotons et les germaines, riches de toi, comme dans les histoires anciennes, deviennent vierges et souveraines entre tes doigts. Entre tes dents, juste un brin d'herbe, la magie du mot et du verbe pour tout décor. Même quand tu parles de fesses et qu'elle rime avec confesse, ou pire encore, Bardot peut aligner les siennes. Cette façon de montrer les tiennes me déplaît pas. Et puisque les dames raffolent, on ne peut pas dire que le soit folle des mots gracias. Toi dont tous les marchands honnêtes n'auraient pas de tes chansonnettes donné dessous. Voilà que pour leur déconfiture, elles resteront dans la nature bien après nous. Alors qu'avec tes poquerettes tendras mon cœur fraîche à ma tête jusqu'au trépas. Si je ne suis qu'un mauvais drôle, tu joues toujours pour moi le rôle de l'Auvergnat. Nostalgie 60, les plus grands artistes des années 60. Nostalgie. We're caught in a trap. I can't walk out because our love is too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't? était venu de son pays de neige, tout droit vers le sud sans presque s'arrêter. Mon Dieu, que c'est loin de la Norvège, la Méditerranée. C'était ses yeux verts et c'était sa guitare qui avait payé ce voyage de fou. Quand il en jouait, on lui offrait à boire, on lui donnait des sous. Christiansen, il savait quelques mots de mauvais français. Christiansen, il savait quelques mots de mauvais anglais. Et pourtant, je comprenais bien. Cette maison d'Oslo et ce vieux traîneau qu'il lançait sur la neige comme on lance un bateau. Je reconnaîtrai la fameuse Christine dont il me parlait pour me faire enrager. Je ne l'aime pas, cette jolie cousine, elle l'a trop aimée. Il dormait sur la plage entre deux rochers. Christiansen, s'il mangeait quelquefois, c'est que j'y pensais. Et pourtant, il était heureux, oui vraiment. Il était heureux, Christiansen. Il est reparti vers son pays de neige et la plage d'or où l'on s'est à le sable gris des plages de Norvège. Il a tout emporté pour me le redonner quand je le reverrai. Nostalgie 60. Vous êtes au cœur des années 60. Yeah.